La Corée du Sud a vu paraître un nouveau parti constitué des conservateurs d'extrême droite. Le 30 août dernier, des milliers de conservateurs d'extrême droite qui survivaient à la solde de Park Geun-hye ont formé à Séoul le soi-disant Parti patriotique de Corée, ce qui n'est qu'une farce politique.